Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et aujourd'hui, je vous emmène au château royal d'Amboise qui se prépare à vivre une Saint-Valentin un peu particulière. Le samedi 14 février prochain, le monument ouvrira exceptionnellement ses portes en soirée pour une balade romantique aux chandelles, dans une ambiance intimiste, éclairée à la lueur des bougies et ponctuée de surprises imaginées par les équipes du château. Pour en parler, nous sommes partis rencontrer Samuel Bouchevalder, en charge de la communication au château royal d'Amboise. Il nous présente cette soirée spéciale Saint-Valentin, pensée aussi bien pour les couples que pour les amis, et même pour les célibataires. Alors Samuel, qu'est-ce qui attend concrètement les visiteurs le 14 février au soir lors de la balade romantique aux chandelles? Et puis surtout, en quoi ce sera différent d'une visite classique au château? Alors déjà, on peut rappeler qu'effectivement, les balades nocturnes aux chandelles, c'est maintenant un des événements signatures du château. On en a régulièrement tout au long de l'année. Mais celle-ci, elle est effectivement un petit peu particulière puisqu'elle va être placée sous le signe de l'amour. C'est la Saint-Valentin, voilà, évidemment. Donc l'idée, ça va être toujours de base, c'est toujours d'éteindre toutes les lumières artificielles dans le château et puis d'éclairer les différentes salles avec des bougies et des chandelles. Ça, vous connaissez, chers auditeurs. Mais derrière, on va proposer un certain nombre d'événements qui vont venir rythmer la balade de nos hôtes. Alors il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir déjà une de nos collègue guide conférencière qui va venir vous tirer les cartes. Elle va être une cartomancienne, elle va voir ce que l'amour vous réserve, ce que Cupidon réserve pour votre avenir. Donc ça, c'est une première chose. On aura un concours de la plus belle déclaration d'amour qui nous permettra de gagner pas mal de jolis présents. On aura des lectures de romans et de contes liés à l'amour. Et puis on aura aussi des petits zooms sur les grands amoureux qui ont marqué les époques, Cléopâtre et Jules César par exemple, mais bien d'autres. Donc voilà, une soirée sous le mode de l'amour. Alors on leur dira peut-être après pour les amoureux, mais peut-être aussi pour ceux qui ont envie d'être amoureux, on y reviendra peut-être après. Mais justement, c'est ce petit clin d'œil original, c'est que les célibataires qu'ils souhaitent pourront afficher leur statut grâce à un petit cœur en feutrine à accrocher. Histoire de jouer le jeu de la bonne humeur, cette attention, elle est pour les célibataires, évidemment. C'est une façon d'ouvrir la Saint-Valentin à tous les publics, finalement. Exactement. Alors Cupidon, il s'occupe des amoureux, mais il s'occupe aussi de ceux qui ne le sont pas encore. Et on ne sait pas où ces flèches peuvent frapper. Et on se dit que peut-être qu'elles frapperont à l'occasion d'une soirée au château royal d'Amboise. Donc ceux qui le veulent, ce n'est pas d'obligation. Mais en tout cas, si vous avez un copain célibataire qui vient avec vous ou une copine célibataire, elle pourra effectivement revêtir un petit cœur en feutrine sur ses vêtements pour dire écoutez, moi je suis célibataire, j'attends une belle rencontre, pourquoi pas ce soir. Et les retrouver l'année prochaine pour une magnifique déclaration d'amour écrite pour la prochaine Saint-Valentin, pourquoi pas. On les retrouve l'année prochaine pour la déclaration, puis 2 ans après pour un petit pot dans le parc pour leur mariage, ce serait fantastique. Alors, tu nous l'as dit, il y aura une visite guidée inédite intitulée « Amour, règne et beauté ». Moi, j'ai envie de te demander si tu as une anecdote sur un rituel amoureux de nos rois ou nos reines ou... Oui, pour faire un petit parallèle avec notre époque, à l'époque, il y avait déjà ce qu'on pourrait appeler des influenceuses, puisqu'il y avait des personnes de l'époque qui ont écrit ce qu'on appelle des secretis. Les secretis, c'est des espèces de recueils de conseils de beauté. On sait que, par exemple, Marguerite d'Angoulême, Catherine Sforza étaient des personnes qui déjà partageaient des bonnes pratiques pour s'embellir. Alors, il y a des choses qu'on pourrait refaire aujourd'hui, puis il y a des choses qu'on pourrait plus tout refaire. Il y a des choses avec du mercure, par exemple. On s'est étalé du mercure sur la peau. On sait aujourd'hui que c'est plus du tout une bonne idée. Mais à l'époque, en tout cas, c'était recommandé comme tel. Donc voilà, les secretis, des espèces de conseils des influenceuses de la Renaissance. Une autre question, Samuel, cette fois-ci, qui va t'interroger sur le château de manière plus globale. Le château a fait l'objet de fouilles et de recherches archéologiques ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on a appris? Et en quoi ça vient enrichir la compréhension justement du château? Alors effectivement, on en a encore quelques traces aujourd'hui lors de votre tournage, puisqu'on entend les ouvriers qui sont en train de reboucher la fouille. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est parti à la recherche de la base d'un ancien escalier qui s'appelle l'escalier Percé. Donc c'est un escalier qui était connu sur les anciens plans du château, mais qui avait disparu depuis. L'une des thèses était que cet escalier pouvait possiblement être un escalier à double révolution. Comme celui de Chambord donc. Exactement, comme celui de Chambord, mais qui aurait été antérieur à celui de Chambord, donc c'était particulièrement intéressant. Donc c'était tout le travail du membre du service d'archéologie du département d'Indre-et-Loire, encadré par des universitaires de l'université Tours, notamment Lucie Gauguin, qui défend en tout cas et qui explore cette thèse. Donc un certain nombre de relevés ont été faits, le socle a été retrouvé, on a retrouvé vraiment la base octogonale de cet escalier, et puis maintenant place à l'analyse et au recoupement avec les écrits historiques pour voir si la thèse peut être complètement confirmée ou un petit peu infirmée. Très bien. Après cette Saint-Valentin dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui, je le rappelle, aura lieu ce samedi 14 février, bien sûr, au château royal d'Amboise, quelles seront les prochaines animations ou temps forts dans les semaines, les mois à venir ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que notre saison 2026, elle va être teintée au nom du voyage, hein, puisque c'est vraiment le thème qu'on va développer cette année, voyager comme des rois. Donc, à la fois avec, à travers une grande exposition qui s'appelle Sur la route des princes voyageurs. Alors, pour la petite histoire, c'est une exposition qu'on avait programmée en 2020, mais qui avait dû être reportée pour cause de Covid-19. Et donc, on va enfin pouvoir déployer cette année. Donc, voilà, de début juin jusqu'aux journées du patrimoine, on va venir explorer, on va venir mettre ses pas dans ceux des princes et des rois voyageurs de la Renaissance. Alors, on sait que les princes ont beaucoup voyagé de château en château, mais ils sont allés bien plus loin que ça, on va le découvrir. Et puis, c'est aussi eux qui ont lancé les grandes découvertes. Hein. Jacques Cartier au Canada, c'est François Ier. Verrazzano à New York, c'est Henri II. Donc, des rois amboisiens qui vont faire à un moment d'Amboise un espèce de centre de l'Europe ou du monde voyageur qui s'ouvre vers des nouvelles frontières. Donc, ça, c'est les premiers points. Et puis après, on retrouvera nos grands classiques, hein, nos pique-niques panoramiques, évidemment. Nos petits déjeuners, c'est la nouveauté, c'est maintenu. Et puis les concerts qu'on aura également toute l'année. On sait qu'on apprécie ça. Et on aura de nouveau une très belle aussi, un très bel opéra. L'an dernier, c'était La Traviata. Cette année, ce sera Madame Butterfly. Donc voilà, encore des beaux rendez-vous. Puis après, on ose à peine en parler, mais on sera déjà à la Toussaint pour des nouvelles soirées chandelles. Et puis après, ce sera Noël, évidemment. Mais en tout cas, à retenir cette année, si vous avez envie de voir du vent dans les voiles et puis l'air qui vous bat le visage, venez voir l'exposition sur le voyage au château d'Amboise. On aura l'occasion de le réannoncer, bien sûr, sur l'antenne de Radioactive. Samuel, dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour réserver si on veut venir avec ses amis, ses amours, lors de la Saint-Valentin ? Eh ben, le plus simplement du monde, comme d'habitude, on va sur le site du Château Royal d'Amboise, à la rubrique billetterie, et puis on se laisse guider. Hein, c'est très simple. On achète ses billets, puis on se présente à partir de 18h ce samedi. Super, merci beaucoup et belle Saint-Valentin ! Belle Saint-Valentin à toutes et tous. On attend que Cubiton se prenne soin de nous. Merci. Le Château Royal d'Amboise est donc, comme vous aurez pu le constater, un lieu de patrimoine, d'histoire, mais aussi de recherche et d'événements culturels qui continuent de se réinventer et de proposer des rendez-vous originaux accessibles à tous les publics. La soirée Saint-Valentin s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique en mêlant romantisme, découverte et convivialité et promet une expérience hors du temps à vivre à deux, entre amis ou même en solo. C'est la fin de ce mag, rendez-vous demain 18h pour un nouveau numéro. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.